Chapitre 11 De Scotland Yard à la Sûreté. Vous êtes sûr, mon cher Lepic, que c'est là sa véritable origine? Absolument certain, mon cher Leeds. Jamertal était jadis, dans son pays, à la tête d'une semblable organisation d'étudiants, la Garde d'Acier. Pendant la guerre, il a espionné tour à tour au service de l'Autriche, de la France, de l'Angleterre. C'est même grâce à cela que je l'ai connu. En 1916, alors que j'étais attaché à l'intelligence service, il nous a volé un document important. Il est vrai qu'il avait commencé par nous en procurer un autre, volé aux Allemands. Il a réussi à s'échapper. J'ai la mémoire des visages. Bien que très changé, je l'ai reconnu immédiatement quand je l'ai rencontré à Londres. Il a des raisons d'être militariste. La guerre lui a rapporté pas mal. Mais à la fin, il s'est tellement embrouillé qu'il a dû changer d'identité. Il est heureux que nous ayons tous les deux, pour des raisons et par des voies différentes, suivi ses traces. Je crois que si nous les suivons jusqu'au bout, elles nous mèneront à des découvertes intéressantes. Dans l'affaire actuelle, il n'est certainement qu'un des instruments entre les mains d'une bande dangereuse de bandits professionnels. Lui, oui, mais ceux qui ont subi le même sort, hein. Je ne suis pas encore tout à fait fixé. L'Américain me paraît au-dessus de tout soupçon. Il est avéré qu'il a une fortune immense, absolument intacte. Quant au comte, le pape lui-même est son garant. Celui qui me chiffonne le plus, c'est mon compatriote. Il y a du vrai et du faux dans cette affaire. En tout cas, nous faisons surveiller de près tous nos collectionneurs à Londres. Aucun enlèvement n'est plus possible. Je me demande comment ils écouleront toute la marchandise volée. Ne sont-ils pas d'une imprudence extrême en volant des pièces cataloguées, signalées dans toutes les polices? Pour les bijoux et les médailles, ça n'a aucune importance. Ils prendront l'or et les pierres précieuses. Quant à l'antiquité, ils s'en moquent. Pour le reste, vous ne vous figurez quand même pas, mon cher confrère, que des escrocs aussi roués feront vendre demain à l'hôtel Drouot des toiles qu'ils ont dérobées hier. Ils les ont probablement mises en sûreté. Et quand il se sera écoulé un certain temps, et quand toute l'affaire aura sombré dans l'oubli, de magnifiques monnaies ours noires surgiront quelque part en Amérique. À ce moment-là, ces œuvres auront passé par tant d'intermédiaires qu'il sera impossible de retrouver les aigres fins. Vous savez que pour les bijoux volés, il n'en est souvent pas autrement. Cependant, et l'inspecteur Lepic sourit d'un sourire entendu, cependant, ils peuvent commettre une imprudence, surtout si on la provoque habilement. C'est-à-dire, le fragment de lettre, mon cher Leeds, que vous avez retrouvé dans un des savants bouquins de monsieur le professeur von Jamertal, dans son appartement de Londres, et qui vous a amené à Paris, ce dont je suis très heureux, nous a prouvé que notre ami commun avait ici certaines accointances. Mais lesquelles? C'est ce que vous ne savez pas. Eh bien, nous, la Sûreté, qui avons eu l'occasion à plusieurs reprises de nous occuper de lui, en connaissant quelques-unes. Ce fameux antisémite a entre autres des relations très amicales avec un nommé Christian Lévy, marchand de tableaux de la rue Saint-Honoré. Il lui a souvent fait vendre et acheter des toiles remarquables. Et bien entendu, n'y a rien perdu. Jamertal est d'autant mieux placé pour ces sortes d'affaires que son ancienne femme, une Polonaise, a épousé un riche Norvégien. Celle-ci, bien que fortunée, ne dédaigne pas les pourcentages et fait parfois acquérir par les amis de son nouveau mari ou par ce mari lui-même des tableaux que procure à Christian Lévy le Herr Professor. Tout le monde y trouve son compte. Parfait, je comprends votre plan, mais il est douteux que notre personnage ose reparaître parmi ces relations de Paris. L'affaire de Londres a fait du bruit partout et tout le monde ici le croit disparu. Il peut toujours prétexter une histoire politique quelconque et demander la discrétion absolue à ses amis parisiens. Je suis presque certain qu'il finira par venir trouver le marchand de tableaux, car c'est là qu'il a le plus de chances de rencontrer son ancienne femme qui l'a déjà tiré de plus d'une mauvaise passe. Nous n'avons qu'à faire surveiller discrètement la galerie de la rue Saint-Honoré, et à y déléguer quelques somptueuses hollandaises qui achètera 2 ou 3 dessins et exigera qu'on lui trouve un monnaie dans le genre de celui qui a été volé à Mirandello. Exactement mon idée. Entre-temps, le professeur Jamertal aura reparu. Le marchand, qui remuera tout Paris pour trouver le monnaie, ne manquera pas de lui en parler. La Hollandaise aura promis un prix alléchant, et le poisson mordra à l'hameçon. À ce moment-là, nous aviserons Christian Lévy que le tableau a été volé et qu'il est à le tenir à notre disposition. Comment vous remercier, cher confrère? Sans vous, je ne pourrais mener à bien cette affaire. Elle ne vous concerne pas directement, mais dans ces sortes de bandes cosmopolites, nous trouverons toujours de vieilles connaissances, que nous renouvellerons très volontiers, n'est-ce pas, mon cher Lepic ? Dit en souriant l'inspecteur Leeds de Scotland Yard. Et que nous espérons mettre à l'abri pour le plus longtemps possible, répondit en souriant aussi l'inspecteur Lepic de la Sûreté.